Ce roman va vous surprendre. 2025, une mystérieuse épidémie décime 90% des hommes. Du Canada à la Chine, de l'Écosse aux Philippines, les femmes du monde entier sont forcées de s'élever et réagir. Comment reconstruire sa vie quand on perd mari, père, fils? Comment créer un monde nouveau? C'est ce qu'explore La fin des hommes, roman visionnaire écrit en 2018 par Christina Sweeney Baird. La fin des hommes, un roman émouvant, haletant et vibrant d'humanité. Aux éditions Gallmeister. Je suis folle d'imaginer que les lecteurs vont pouvoir aimer une horrible petite snob qui va mettre son nez partout. Emma, tout le monde va l'aimer. Et si tout le monde jugeait que ce n'est pas aussi bien qu'Orgueil et Préjugés et que mes meilleurs livres appartiennent au passé? Emma Woodhouse, belle, intelligente et riche, disposant d'une demeure confortable et dotée d'une heureuse nature, paraissait réunir quelques-uns des avantages les plus susceptibles de rendre l'existence aimable. Ajoutons qu'elle avait vécu près de 21 ans dans ce monde sans beaucoup de motifs de se désoler ou d'éprouver de la contrariété. Elle était la plus jeune des deux filles d'un père très tendre et très indulgent, et en raison du mariage de sa sœur, s'était trouvée très tôt investie du rôle de maîtresse de maison. Sa mère était morte depuis trop longtemps pour qu'elle pût avoir autre chose qu'un souvenir confus de ses caresses. Sa place dans le cœur des deux enfants avait été prise par une excellente femme faisant fonction de gouvernante, dont l'affection n'avait eu que peu de choses à envier à celle d'une mère. Les seuls écueils, en réalité, dans la situation d'Emma, étaient la liberté qui lui était laissée d'agir un peu trop à sa guise, et une tendance à se faire une trop haute idée de ses capacités. Il fallait voir là ce qui risquait le plus de nuire à l'agrément d'une vie par ailleurs riche en distractions. Le danger, toutefois, pour l'heure, échappait tant à son attention qu'elle ne voyait là nulle occasion de se tourmenter. Bonjour Dominique Barberis. Bonjour Adèle Vendrell. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Pourquoi Jane Austen craint-elle autant que son personnage d'Emma soit peut-être moins bien accueilli que ses précédents? Eh bien, ce que vous avez lu l'annonce un petit peu, Emma n'est pas de ces héroïnes, on parlera peut-être tout à l'heure de Jane Eyre, par exemple, qui inspirent la sollicitude, l'affection, la pitié. Jane est malheureuse, Emma a l'air d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureuse, elle est très aimée par son père, un père très indulgent, elle est partout la première, elle le dit d'ailleurs dans sa famille, elle est assez vaniteuse, ou en tout cas elle a un petit péché de ce côté-là. Elle est bonne fille aussi, hein. Elle est tout à fait capable de s'interroger, de revenir sur ses erreurs. Elle est aidée en cela par son ami et mentor Knightley, un voisin. Mais c'est vrai que elle régente aussi, elle a le goût de régenter tout le monde. On va voir ça dans sa manière de préparer des mariages, d'utiliser un peu de prendre en charge une de ses protégées, de la détourner d'un amour sincère et spontané qu'elle a pour essayer de la réorienter de manière assez calamiteuse vers un autre amour. On sent que elle est capable de régenter tout son petit monde, qu'elle est raisonneuse, elle est intelligente, elle fait marcher sa tête, mais c'est vrai qu'elle en appelle moins peut-être que d'autres héroïnes aux sentiments affectueux. Et puis surtout, elle a une caractéristique, dès le début du roman, c'est qu'elle ne veut pas se marier. Alors là, c'est peut-être pas un défaut, ça l'était à son époque sans doute, en tout cas c'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas se marier, mais elle veut marier les autres. Et c'est ça, et elle veut les marier de manière compulsive. À la fin du roman même, elle programme le mariage du bébé de son ancienne gouvernante avec un de ses neveux. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle n'est pas guérie de cette manie de faire des mariages. Et c'est vrai qu'il y a chez elle ce côté contradictoire, je marie les autres, avec un petit côté d'ailleurs qu'on peut interroger, c'est-à-dire je regarde les passions à l'abri sur le rivage, bien confortablement installées. Alors il y a un coup du divertissement, elle se divertit, hein, c'est presque un jeu de société. C'est vrai que elle mène une vie très régulière, elle a un père très frileux, très hypochondriaque, qui est d'ailleurs un merveilleux personnage comique. On sent bien que dans l'univers de ce gros bourg, Highbury, où elle est un peu, où elle a un rôle assez grand, puisque son père tient un rôle social tout à fait confortable, elle fait ce qu'elle veut. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah, en tout cas, vous dites qu'elle a une vie très régulière. Voilà, elle a une vie très régulière. C'est une façon de le dire, parce qu'on peut aussi dire, c'est vraiment, quel ennui. Le roman joue de ça. Vous parlez du confort aussi. C'est la saturation du confort, à tel point qu'on ne sait plus du tout quoi faire. Voilà, c'est ça. Il ne se passe presque rien. Et le roman, d'ailleurs, passe beaucoup de temps. On est un petit peu, on rentre dans ce point de vue qui est le point de vue de Monsieur Woodhouse, son père en réalité, puisque on s'intéresse à les gens se reçoivent, la sociabilité se limite à quelques familles du voisinage, on programme des pique-niques, on va chez les uns, chez les autres, on s'intéresse aux saisons, il y a la saison des fraises, on envoie de la longe de porc chez une veuve et sa fille, vieille fille, qui sont un petit peu moins favorisées. C'est vrai qu'il y a toute une espèce de rêverie, d'ailleurs, dont on se demande si elle est repoussante, inquiétante, ou presque fascinante, parfois un peu séduisante, d'une vie absolument confortable dans cette campagne anglaise où rien ne se passe. Et sans doute, évidemment, ce goût intellectuel, presque intellectuel, qu'a Emma pour le jeu du mariage, hein, pour cette espèce de constitue une espèce de divertissement, de diversion à l'ennui. Vous avez, Dominique Barberis, écrit une préface à Emma, et vous, dans cette préface, vous parlez de l'esthétique du confort. C'est exactement ça, ce qui se passe dans ce texte. Oui, il y a une espèce, j'y étais assez sensible, en fait. Il y a une espèce de rêve de confort, alors, qui est lié, évidemment, à la personnalité du père. Monsieur Woodhouse. On va le découvrir dans un instant. C'est un hypochondriaque. Alors, il est absolument merveilleux parce que, comme tous les personnages du roman, il se révèle, il y a une dimension de comédie, il se révèle à travers les dialogues, à travers ses marottes, et il ne cesse de parler de son médecin, Monsieur Perry, il parle de régime. Alors, on descend dans le détail de ses peurs. Quand il fait froid, il faut que sa voiture soit tapissée de peau de mouton. Il se nourrit de gruau. Et il y a des pages d'ailleurs assez extraordinaires sur la qualité du gruau, parce qu'il faut que le gruau n'ait pas de grumeaux à l'intérieur, il faut qu'il soit comme un coulis, c'est très difficile à réaliser. Et sa fille aînée, Isabella, déplore que sa propre domestique soit incapable de faire le gruau paternel. Alors, passons à table avec Monsieur Woodhouse, écoutez les exigences qu'il a quant à la manière de placer la nappe, la cuisson du gruau, les œufs également, écoutez tous ces détails dans ce qu'on pourrait appeler cette forme d'écriture du quotidien. Monsieur Woodhouse aimait qu'on mît la nappe, parce que dans sa jeunesse, on avait toujours fait ainsi. Mais si ancrée était sa conviction que les soupers étaient néfastes à la bonne digestion de ses hôtes, qu'il s'attristait plutôt qu'on posât quelque chose dessus. Son hospitalité l'incitait à ne rien leur refuser. Mais le souci qu'il avait de leur santé ôtait tout plaisir à les regarder manger. Une petite assiettée de coulis de gruau, semblable à la sienne, était tout ce qu'il pouvait recommander en conscience, bien qu'il lui arrivât de se contraindre à dire, tandis que ces dames tranquillement faisaient un sort à ce qu'il y avait de meilleur. « Madame Bates, laissez-moi vous suggérer d'essayer un de ces œufs. Un œuf qu'on a laissé très peu de temps sur le feu n'est pas indigeste. » Serle s'entend à la cuisson des œufs mieux que personne. Je ne recommanderais pas un œuf sorti des mains de quelqu'un d'autre. Mais là, vous n'avez aucun sujet de craindre. Ils sont très petits, comme vous pouvez voir. Un de nos petits œufs ne vous fera aucun mal. Mademoiselle Bates, permettez qu'Emma vous serve un petit morceau de tarte. Un tout petit morceau. Nos tartes sont aux pommes. Il n'y a pas lieu en l'espèce de redouter de mauvaises conserves. Je ne vous conseillerais pas la crème. Madame Godard, que diriez-vous d'un demi-verre de vin ? Un peu moins de la moitié d'un verre, largement coupé d'eau. Je ne crois pas que vous en souffriez. Dominique Barberis, avant de commenter précisément ce texte, hein, lu ici par Camille Lamache, vous êtes vous-même écrivaine. Dans quelle mesure est-ce que le style, l'écriture, le travail de Jane Austen a pu influencer votre propre écriture ? Alors, je ne sais pas si elle l'a influencé, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je me suis toujours intéressée à cette écriture du quotidien, à cette écriture qui vise à restituer l'ordinaire du monde. Et je crois que c'est d'ailleurs assez féminin, ah oui, qu'il y a un lien peut-être entre cette espèce de souci et une forme, en tout cas la restitution de cet aspect-là, et une forme d'écriture féminine. En tout cas, c'est vrai que c'est une chose qui m'intéresse dans l'écriture de Jane Austen, que je trouve assez remarquable parce que elle saisit à travers ça, enfin, elle place sur le réel un maillage extrêmement serré et dans lequel elle prend tout. C'est-à-dire, elle prend à la fois, bon, ces détails de régime qui sont très savoureux, parce que le comic, c'est évidemment qu'il impose à tout le monde des quantités très minimes et qu'au fond, sa table n'est pas très généreuse. Mais à travers tout ça également, ça va servir aussi l'atmosphère du roman, parce que on est effectivement dans cet univers où on se préoccupe essentiellement de confort. Il y a une scène de bal, d'ailleurs, qui est très étonnante, en tout cas dans son début. Il y a toujours des balles chez Jane Austen, ça émoustille beaucoup les jeunes filles, et puis ça sert le sentiment amoureux et ça favorise les mariages. Mais ce bal est précédé de toute une étude, voilà, du lieu où il va avoir, où il va tenir place, des conditions, est-ce que ça va être suffisamment aéré, est-ce qu'on aura suffisamment de place, tout ça dirigé par le souci qui est constant chez Emma de ménager son père, d'aller dans son sens. Et dans le roman, au fond, ces gens-là n'ont pas grand-chose à faire, mais tout écart léger. On se rencontre toujours dans les mêmes conditions, on va chez Forbes acheter des colifichets, mais le fait qu'une jeune femme, ça va arriver dans le roman, se trouve chez Forbes avec son ancien l'homme qu'elle a aimé, et bien tout à coup, et qu'elle a refusé, ça crée une émotion, etc. Il y a un autre passage où l'une des jeunes femmes qui va entrer dans cette espèce de combinaison de mariage possible, de mariage contrecarré et de mariage réalisé, qui s'appelle Jane Fairfax, qui est venue chez sa tante, une vieille fille, va se trouver, à un moment va être vue se rendant à la poste par un jour de pluie terrible, et tout le monde s'interroge, mais enfin, quelle idée d'aller à la poste dans des conditions aussi inconfortables. Bah écoutez-la. Good morning, Miss Fairfax. Oui. Bonjour, Monsieur Knightley. J'ignorais que vous étiez à Hartfield. Oh, ce n'est qu'une visite de quelques jours. Vous sortez très tôt. J'aime marcher avant le petit déjeuner, cela me fait du bien. Même sous cette pluie ? Je me rends au bureau de poste, ce n'est pas très loin. Je ferai demi-tour si j'étais vous, allez être trempé. Plus que satisfait de ces conditions. Oh, est-ce une lettre qui provient d'Irlande ? Oui, j'aimerais beaucoup la lire. Non, je vous la lirai plus tard, ma tante. Woodhouse est resplendissante ce soir. Elle est tout bonnement splendide. Monsieur Churchill et elle sont faits l'un pour l'autre. Oh, je vous y prends à regarder Miss Fairfax. Avez-vous pu trouver des indices quant à son petit secret ? Miss Bates m'a dit qu'elle avait reçu hier une lettre d'Irlande qui l'a rendue plus qu'heureuse. Peut-être provenait-elle de son Monsieur Dixon ? Je me disais simplement que sa coiffure était immonde. C'est complètement inapproprié. À quoi donc pensait-elle lorsqu'elle a décidé de s'affaiblir ainsi ? Dois-je aller le lui reprocher ? Non, pour l'amour du ciel, non, les musiciens sont prêts. Vous ne devez cette danse. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et voilà comment dans ce roman, ainsi que dans beaucoup de romans de Jane Austen, mais encore plus dans Emma, dont nous parlons ce matin, Le fait pour une jeune fille d'aller à la poste sous la pluie devient un événement aussi important qu'un bal qui réunit tous les habitants du village. Voilà, Dominique Barberis. Voilà, exactement. Le roman est fait de ces petits événements qui vont distribuer d'ailleurs toutes sortes d'indices. Parce que finalement, Emma a des stratégies. Au début du roman, on la voit planifier, essayer de réorienter d'ailleurs le sentiment amoureux de sa jeune protégée. Ariette, elle la détourne d'un fermier qui l'aime et qu'elle aime, en la persuadant que ce n'est pas un mariage intéressant pour elle, parce que dans le mariage rentre aussi une logique d'intérêt, et elle va essayer de lui faire épouser le nouveau curé, un jeune bien de sa personne d'ailleurs, qui vient d'arriver, et elle échoue. Et à partir de ce moment-là, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'elle est très sûre d'elle, mais elle se trompe sur beaucoup de choses. En réalité, Elton, qu'elle veut faire épouser à Harriet, est amoureux d'elle, ou en tout cas aimerait l'épouser parce qu'elle est intéressante pour lui. Hein, dans ce jeu d'intérêt, elle n'a pas compris que si Elton était intéressant pour Harriet parce qu'il lui permettait une forme d'ascension sociale, lui-même pourrait être intéressé par quelqu'un d'autre, et il va d'ailleurs finir par épouser une femme qui a 10 000 livres de rente. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit donc que les plans d'Emma ne sont pas juste qu'elle se croit très très perspicace, elle se trompe sur beaucoup de choses, et on finit par lire tous les indices. D'abord, on finit par comprendre qu'Elton est plus intéressé par Emma que par Harriet. Lorsque elle essaie de les rapprocher, elle va faire le portrait d'Harriet en invitant le jeune homme à assister aux séances, mais on voit bien qu'il se place de manière à la regarder elle plutôt qu'à regarder celle qu'elle peint. Il la complimente outrageusement sur ce qu'elle fait. Et progressivement, donc, le lecteur, au fond, ça se passe un petit peu comme dans un roman policier. Il étudie tous les signes et il s'aperçoit que d'autres choses se passent, qu'Emma ne voit pas du tout, qu'elle est en fait victime d'une manipulation, celle de ce jeune homme, Frank Churchill, qui est arrivé à Highbury sous le prétexte d'aller voir son père. Il a été élevé en dehors de sa famille, et c'est un peu un Don Juan. Il est très séduisant. On comprend qu'Emma, en dépit de la manière dont elle essaie de se tenir hors jeu, de se protéger du sentiment amoureux, pourrait bien être séduite. Il y a des phrases absolument délicieuses, avec cet art de la litote extrêmement prudent, où elle dit elle ne croyait pas qu'on l'eût trop fait valoir, hein, en parlant de lui. Et puis il se montre extrêmement courtois, galant avec elle, et elle ne se rend pas compte en fait qu'en réalité il est venu, et on le comprendra à la fin du roman, parce qu'il est fiancé secrètement à cette Jane Fairfax. D'où les allées venues à la poste quotidienne, voilà. Y compris quand il pleut. Voilà, il y a toutes sortes d'allées venues, parce qu'il s'en va, il revient, et sa présence, son assiduité chez les Bates, qui sont extrêmement ennuyeuses, mais chez qui réside Jane Fairfax, devient assez suspecte assez vite au lecteur. Mais Emma ne s'aperçoit de rien, parce que sa vanité aussi. Mais justement, est-ce que c'est peut-être l'héroïne de Jane Austen pour laquelle elle a le moins de sympathie, le moins d'empathie? Parce que souvent dans les romans dont on a parlé cette semaine, en tout cas, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, Northanger Abbey, il y a quand même une sorte de complicité entre le personnage principal et la narratrice ou l'écrivaine. Là, on se dit qu'elle est un peu dure avec cette Emma quand même. Elle est un peu ironique parfois, c'est-à-dire qu'elle montre ses défauts, elle la montre surtout pleine de mauvaise foi. En fait, c'est ça qui caractérise surtout Emma, c'est-à-dire que elle est très intelligente quand même, et c'est cette intelligence qui séduit. Elle se trompe, mais d'abord elle reconnaît ses erreurs, mais c'est surtout un personnage de la mauvaise foi. Il y a un lien, d'ailleurs, je trouve très très étonnant dans le texte, entre l'hypocondrie du père, qui cherche à se protéger de la vie, en réalité, des maladies, mais de tout ce qui pourrait détourner, embarrasser le cours de sa vie, et la manière dont la fille cherche à se protéger du sentiment amoureux. Ah, en fait, être tombée amoureuse, c'est prendre un risque. Voilà, je pense que tomber amoureuse, c'est prendre un risque, c'est aller contre son intérêt. Et il y a un texte où il y a une scène où interrogée par sa protégée, Harriet, qui lui dit « Mais enfin, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous n'allez quand même pas rester vieille fille. » Emma donne ses arguments. Et ces arguments sont quand même, il y a dans ces arguments l'idée d'un intérêt bien compris et l'idée d'une certaine forme de confort. Je n'ai pas les incitations qu'ont d'ordinaire les femmes à prendre époux. Si je tombais amoureuse, alors oui, ce serait différent. Mais je n'ai jamais été amoureuse. Ce n'est pas mon genre, ou ce n'est pas dans ma nature. Je ne crois pas que cela m'arrive jamais. Et sans amour, je serais assurément bien sotte de renoncer à la situation qui est la mienne. L'argent, je n'en manque pas. J'ai de quoi m'occuper. L'importance dans le monde ne me fait pas défaut. Jamais, au grand jamais, je ne pourrais espérer d'un homme l'affection et les responsabilités que j'ai chez moi. Toujours la première comme je suis, et toujours dans le vrai au regard de mon père. Je ne serais pas une vieille fille désargentée. Et c'est seulement le manque d'argent qui rend le célibat méprisable aux yeux d'un généreux public. Si je me connais bien, Harriet, je dispose d'un cerveau toujours en éveil, toujours employé, d'où un nombre considérable de ressources qui assurent mon indépendance. Et je ne vois pas pourquoi je serais davantage à la recherche d'une occupation à 40 ou 50 ans qu'à 21. Ce qui s'offre d'ordinaire à l'œil, à la main ou à l'esprit d'une femme me sera accessible alors tout autant qu'aujourd'hui, à peu de choses près. Maintenant, pour ce qui est de ce qui stimule l'intérêt des objets aimés, et on touche là en réalité à ce qui constitue la grande infériorité, à un vide redoutable dont on doit se garder quand on ne se marie pas, je serai bien partagée avec tous les enfants de ma sœur que j'aime tant et dont je pourrais m'occuper. Ils seront assez nombreux, selon toute probabilité, pour me procurer toute l'animation dont on peut ressentir le besoin au déclin de la vie, en nombre suffisant pour alimenter l'espoir et la crainte, et, s'il est vrai que mon affection pour aucun d'entre eux n'égalera jamais celle d'un père ou d'une mère, elle s'accordera mieux avec l'idée que je me fais de la tranquillité d'esprit qu'un attachement plus fort et plus aveugle. Ce qui est passionnant dans ce texte de Dominique Barbéry, c'est que lorsque Emma énonce les raisons pour lesquelles elle ne va pas se marier, c'est comme un plaidoyer pour le célibat, hein, ce texte, directement. Oui, absolument. Vient finalement en premier, enfin, c'est à la fin du texte, mais la raison principale, c'est de ne pas vouloir troubler sa tranquillité d'esprit. Elle a 21 ou 22 ans. Oui. Et rien n'est plus important pour elle que la tranquillité d'esprit, à tel point qu'elle le dit, clairement, hein, qu'elle préfère vivre sa vie par procuration. Elle se dit finalement, mais des enfants, il y en aura chez les autres. Et moi, je serai pas leur mère ni leur père, mais bon, je pourrais quand même en profiter. Il y a quelque chose d'assez terrible là-dedans. Oui, et en même temps, on peut lire le texte doublement, c'est en même temps, c'est assez intelligent en réalité. C'est on voit qu'elle calcule bien, qu'elle a tout prévu, hein, ça rejoint un petit peu, je le dis un peu dans ma préface, mais il y a une méfiance, la méfiance des moralistes vis-à-vis des désordres de la passion, le repos qu'on trouve dans La Princesse de Clèves, hein, choisir son repos. Et on voit qu'elle a beaucoup réfléchi, qu'elle se méfie de tout ça. Il y a des passages d'ailleurs très intéressants, parce que elle ne va pas rester indemne, contrairement à ce qu'elle croit. Et il y a un moment où elle va même redouter de cette éprise de ce beau Frank Churchill, qu'elle trouve évidemment séduisant. Et on la voit s'interroger, est-ce que je suis amoureuse ? Et elle essaie de voir les critères. Et il y a une scène aussi intéressante où Harriet, donc sa protégée, qu'elle a essayé de jeter dans les bras d'Elton, qui a été repoussé par Elton, vient quelque temps après, un peu confuse, et elle lui remet des objets qui sont un peu les reliques de cette passion et elle lui confie qu'elle a gardé un petit bout de taffetas gommé qui a touché le bras de l'idole, qu'elle a gardé un bout de crayon. Et on voit Emma réagir, mais au fond de manière comme une femme intelligente à ça, et se dire est-ce que j'ai fait ça moi vis-à-vis de Frank Churchill? Non, je ne suis pas amoureuse. Et on sent que c'est quand même un peu minable, c'est quand même, elle trouve ça un peu minable, un peu dégradant. Mmh. Et quand elle fait cet examen de conscience de manière très honnête vis-à-vis de ses sentiments, elle dit je l'ai échappé belle. Et voilà, il y a toute cette peur d'être troublée. On voit aussi que ceux qui sont atteints par la passion, c'est le cas de Harriet ou de Jane Fairfax, dont on va découvrir qu'elle est secrètement fiancée dans une position très inconfortable, parce que socialement tout à fait réprouvée. Elle est sans arrêt souffrante. Alors c'est vrai que parfois elle prétend être souffrante, mais elle est agitée, elle rougit. Bon, tout ça, ce sont des désordres dont Emma se préserve. En même temps, bien sûr, on voit bien qu'elle est aussi un petit peu de mauvaise foi, parce que ce sont des arguments qu'elle va opposer chaque fois qu'il est question du mariage de Knightley, qui est finalement celui qu'elle épousera à la fin du roman. Et oui, parce qu'il faut le dire, ce plaidoyer pour le célibat ne tient qu'un certain nombre de pages. Voilà, ça ne tient qu'un certain temps. Elle va finalement, comprenant que Knightley pourrait être épris de quelqu'un d'autre, connaître la jalousie. Mais on voit bien qu'avant, chaque fois qu'il est question d'un mariage possible de Knightley, qui est après tout un célibataire, bon, il est un peu plus âgé, mais il est somme toute assez séduisant, il est très gentleman, et bien chaque fois, il y a un passage où elle dit « Oh ben, il a aucun besoin de se marier, il a sa propriété de Donwell, il a ses moutons, comme si les moutons étaient l'équivalent des neveux dont elle allait s'occuper, et pour les mêmes raisons, elle va écarter la possibilité d'un mariage. » Oui, parce que vous dites qu'elle aime bien avoir le contrôle, ça va même un peu plus loin, notamment avec son amie Harriet, pas loin de la manipulation quand même. Elle fait en sorte que celle-ci refuse la demande d'un mariage qui pourtant lui est tout à fait lui serait très profitable. Ah ben exactement. Harriet est une sentimentale. Elle est pas très futée. Elle est beaucoup moins futée qu'Emma. Et c'est comme une cire molle. Elle l'oriente, elle la détourne d'un mariage, elle essaie de susciter chez elle un amour totalement artificiel. Elle la manipule de manière d'ailleurs assez dangereuse. En même temps, et là encore, pour revenir à ce caractère très ambigu qu'elle a, parce qu'elle ne veut pas du mariage, mais elle aime être courtisée. Et on voit bien qu'Harriet, qu'elle promeut, ne lui fait pas d'ombre. Alors que vis-à-vis de la belle Jane Fairfax, qui a des talents de musicienne, qui est une héroïne beaucoup plus conforme, finalement, intéressante, touchante, talenteuse, eh ben un petit talent de société, mais elle sait très bien qu'elle est moins musicienne que Jane, elle a toujours une réticence, elle va cancaner sur Jane Fairfax, entretenir avec un certain plaisir une rumeur sur le fait que Jane pourrait être amoureuse du mari de son amie d'enfance, et son attitude n'est pas dépourvue d'ambiguïté. La question se pose de savoir pourquoi, dans ce roman qui est long, c'est un des plus longs, je crois, non, de Jane Austen. Oui, c'est vrai. Oui, en oui. tout cas, le livre est assez épais. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'ennuie? Pourquoi est-ce que le lecteur ne s'ennuie pas lui-même, puisque vous l'avez dit, il y a de longues descriptions du quotidien, il ne se passe pas grand-chose, histoire de mariage. Est-ce que cet ennui serait peut-être dû à une forme d'absence de passion? Écoutez ce que disent les fans de Jane Austen dans le film qui s'appelle The Jane Austen Book Club et qui s'interroge justement sur ce qui fait la caractéristique de ce roman. You don't have to bring a hostess gift to these meetings, FYI. It's just a book club. Il n'y a aucune chaleur entre Emma et Monsieur Knightley. Il n'y a pas de passion animale. Regardez Frank Churchill et Mademoiselle Fairfax. On sait qu'ils sont vraiment amoureux parce qu'ils se comportent mal. Et c'est bien. Entre Emma et Monsieur Knightley, on ne sent jamais qu'il y a du sexe. Je trouve quand même Monsieur Knightley très appétissant, pas vous? C'est peut-être le personnage masculin d'Austin que je préfère. Ce qu'elle veut nous montrer, ce n'est pas le manque de passion qui les anime, mais la façon dont ils contrôlent leurs sentiments. Après moi, le déluge. Mais Prudy a raison, c'est dans tous ses romans. Raison et sentiment, de toute évidence. Mm. Oh, et il y a l'infidélité de Maria dans Mansfield Park. Austin se moque des mœurs so British. Oui, mais l'attirance physique n'est-elle pas une des forces irrépressibles dans l'existence? Vous savez, c'est comme la gravité, c'est ce qui nous plaît d'ailleurs. Imaginez dans la descente, vous lâchez les freins et vous lâchez prise et wouh! Ça n'excuse pas ceux qui se comportent mal. Je suis d'accord, et M. Knightley est violent en amour, avec violence. Ce sont ses mots, et pourtant il n'est rien d'autre qu'un gentleman. Oui, un gentleman qui réprimande tout le monde. Non, pas tout le monde, c'est vrai. Seulement Emma, la femme qu'il aime. J'ai lu que la trame d'Emma, l'humilité de la fille jolie qui sait tout, est la trame la plus populaire de tous les temps. Jane Austen nous incite à imaginer ce qui n'apparaît pas. Ce qu'elle offre à voir n'est en apparence qu'une broutille. Et pourtant, il y a là quelque chose qui s'amplifie dans l'esprit du lecteur et donne une forme de vie inaltérable à des scènes d'apparence triviale. L'accent est toujours mis sur les caractères. Les jeunes gens sont habitués à beaucoup plus de raffinement. Emma pourrait se révéler mal élevée, vulgaire, sans intérêt. La progression du dialogue nous tient sur des charbons ardents. Notre attention est en partie concentrée sur le moment présent et en partie projetée dans l'avenir. Et quand la conduite d'Emma finit par combler nos espoirs les plus grands, nous en sommes bouleversés, comme si nous avions assisté à un événement de la plus haute importance. De fait, on trouve là, dans cette histoire inachevée et inférieure aux autres dans l'ensemble, tous les éléments de la grandeur de Jane Austen. On y trouve cette permanence de la littérature. Le texte que je viens de lire, Dominique Barberis, est de Virginia Woolf, qui écrit dans son essai Le commun des lecteurs, qui consacre un article à Jane Austen, et qui reprend un peu ce qui a été dit dans l'extrait de film diffusé juste avant, le fait que cette ambivalence autour d'Emma, on se dit mais c'est pas le meilleur, mais en même temps tout Jane Austen y est. C'est ça que dit Virginia Woolf. Hein, au fond, il est inachevé, il est pas à la hauteur des autres, mais on y trouve ce qui caractérise la grandeur de Jane Austen, à savoir la permanence de la littérature. Qu'en pensez-vous? Oui, enfin, savoir s'il est moins bon que les autres, je trouve que c'est une comédie très brillante, parce qu'on est quand même tout le temps confronté au suspense. On échafaude des scénarios qui changent sans arrêt. En fait, tous les jeunes gens qui sont évoqués, ils sont trois ou quatre jeunes gens, trois ou quatre jeunes femmes, rentrent dans des combinaisons. À un moment, toutes les combinaisons apparaissent possible, probable, et je trouve que ça entretient quand même le suspense de la lecture. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, et ça probablement c'est au cœur de la littérature, tous les personnages ont une forme d'ambiguïté. On ne sait pas, on ne peut pas porter de jugement définitif sur Emma. Et c'est vrai, enfin, dans l'extrait que vous avez proposé, où il est question de ses relations avec Knightley, sur le fait que Knightley, bon, c'est pas un amour fou, c'est pas une passion dévorante. Je pense qu'il y a une réflexion. Pas de sexe, dit-il. Voilà, exactement. Ça, mais c'est vrai, hein. C'est l'intelligence qui domine et c'est l'intérêt bien compris. Et je crois que s'il y a une philosophie qui émane du roman, c'est peut-être celle-là. C'est l'idée qu'un bon mariage, c'est pas un mariage guidé par la passion. On sait pas ce que ça va devenir. Et d'ailleurs, c'est vrai que si on s'amuse à envisager l'avenir de ce mariage fondé sur la passion, que sera celui de Frank Churchill avec Jane Fairfax, on peut avoir des doutes, parce que Frank Churchill est quand même assez ambigu. Il coquette avec Emma, il flirte avec elle, il va très au-delà de ce qui servirait seulement à dissimuler son engagement secret. Il dénigre Jane devant Emma, de manière un peu curieuse. On sent qu'il est un peu roué, qu'il serait capable de recommencer avec une autre femme. Alors, il y a cette idée que il faut essayer de faire, de concilier ce que les précieuses appelaient tendre sur inclination et tendre sur estime. Et Knightley, c'est exactement ça. Au fond, tout de même, on sent bien que Emma éprouve quelque chose pour lui, puisque chaque fois qu'il est question qu'il se marie, elle réagit. Mais c'est pas une passion certainement violente, mais c'est un gentleman, on sent qu'il est très mesuré, qu'il est assez généreux, qu'il a une vision toujours voilà très très mesurée des choses. Alors il est un peu donneur de leçons, c'est certain, il ne cesse de lui faire la morale, mais il y a cette idée qu'un mariage, un bon mariage, c'est ça, c'est pas la porte ouverte à la passion. Alors ça peut nous sembler moins séduisant, moins moderne, je pense quand même que c'est le fruit d'une réflexion très fine, et que c'est ce que Jane Austen apporte aussi, cette réflexion très fine sur le sentiment amoureux. Miss Woodhouse must excuse me. Excuse Mr. E. And Knightley? Jane? We have nothing clever to say. Not one of us. Oh yes, you must excuse me. I have nothing to say that could possibly entertain Miss Woodhouse. Shall we walk, Augusta? Come, Jane. Well, I did say, Mr. E, that I thought it was far too... Happy couple. How well they suit each other. Heureux couple, comme ils vont bien ensemble. C'est beaucoup de chance quand on pense à la façon dont ils se sont mariés, après avoir lié connaissance simplement dans un lieu public. Ce qu'ils savaient l'un de l'autre, je crois, venait de quelques semaines à Bath. Une chance extraordinaire, car pour ce qu'on apprend à Bath, ou dans un endroit du même genre, cela ne compte pour rien. On reste dans l'ignorance. C'est seulement en voyant une femme chez elle, dans sa maison, parmi les siens, telle qu'elle est toujours, qu'on peut se faire une juste idée. Faute de cela, c'est une pure question de supputation et de chance, le plus souvent de malchance. Combien d'hommes se sont engagés sur une connaissance trop brève pour le regretter le restant de leur vie? Je place si peu de confiance dans mon propre jugement que lorsque je me marierai, j'espère que quelqu'un choisira ma femme à ma place. Se tournant vers Emma, accepteriez-vous ce rôle? Me choisirez-vous ma future épouse? Je suis certain que toute personne élue par vous me plaira. Avec un sourire en direction de son père. Vous pourvoyez aux besoins de la famille, si je comprends bien. Trouvez-moi quelqu'un. Je ne suis pas pressée. Adoptez-la, éduquez-la. Il faut qu'elle soit pleine de vie et qu'elle ait des yeux noisettes. Je ne demande rien d'autre. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et nous lisons le roman Emma de Jane Austen ce matin en compagnie de l'écrivaine Dominique Barberis. Alors Jane Austen, qui sait manier l'ironie comme personne, propose dans ce texte une double voire une triple lecture, parce que derrière le... Voilà, si on recontextualise, il est intéressant parce qu'effectivement le texte plaide pour un mari, pour les mariages arrangés, disant que finalement c'est imprudent de laisser la passion, le hasard, une rencontre à Bath choisir. Et d'ailleurs ça ne manque pas de sel, parce que la réflexion heureux couple s'applique au couple Elton, c'est-à-dire de l'ancien pasteur, enfin du jeune pasteur qui a été refusé, qui était amoureux d'Emma, enfin amoureux ou intéressé par Emma, qui a été refusé par elle et qui a ramené de Bath une créature épouvantable, enfin une snob épouvantable. Très drôle d'ailleurs. Ouais, extrêmement drôle, Augusta Hawkins. Et bon, c'est un couple sur lequel on peut s'interroger, en tout cas qui est formé de deux individus assez médiocres. Et mais surtout, ce plaidoyer pour les mariages arrangés, qui paraît raisonnable, il est dans la bouche de Frank Churchill, qui dit le faux, il a fait exactement ça, c'est-à-dire il est allé, il a rencontré Jane Fairfax dans une ville d'eau, et il s'est fiancé secrètement. Et là, il manipule Emma en lui disant finalement, rien de tel que un mariage arrangé. Alors, on peut penser qu'il essaie de préserver le secret, voilà. Mais en même temps, il la provoque. Il lui dit, choisissez pour moi, celle que vous choisirez sera la bonne. Il sait très bien qu'il l'a un petit peu troublée. Le portrait qu'il dessine avec des yeux noisettes, vives, etc., elle peut se reconnaître. Donc, il joue un jeu tout de même assez trouble, d'ailleurs, comme dans tout le roman. Et voilà, savoir comment interpréter le texte, c'est assez intéressant. Mais justement, c'est là où Austin est vraiment très très fort. C'est parce qu'à chaque fois, il y a les différents niveaux de lecture. Il y a ce qu'elle dit, est-ce que seul le lecteur sait? Il y a ce que seuls certains lecteurs voient. Voilà. Et il y a tout l'intérêt de ce genre de texte, c'est de voir comment est-ce que le personnage en face, en l'occurrence Emma, va saisir ou non cette ironie. Donc en fait, on est vraiment, quand on lit ce genre de texte, on est attentif à une grande variété de registres de lecture. Voilà. Et Emma, en fait, n'est pas très consciente de la manipulation. Ah ben non, oui. Elle ne la découvrira que plus tard. Donc il y a chez Frank Churchill une espèce de rouerie un peu dérangeante. C'est un donjon. Enfin, on reconnaît en lui un donjon. D'ailleurs, c'est un des traits. Alors, elle est méfiante vis-à-vis du mariage, certes, mais les hommes qu'elle a autour d'elle, mis à part Knightley, sont assez médiocres. Hein. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre, d'une certaine manière, quand on voit Elton. Bah, globalement, chez Jane Austen, ce n'est pas les hommes qui s'en sortent le mieux. Voilà, ils ne s'en sortent pas très bien. Il y en a toujours un qui sauve les autres. Hein. C'est vraiment par comparaison. Oui, c'est vrai. Oui, c'est par comparaison. Mais quand même, il y en a qui sont rachetés par l'amour. Darcy, par exemple. Mais aussi bien Elton que Frank Churchill, que John Knightley. Je dis pas Knightley, mais John, son frère, le mari d'Isabella. Bon, il tient Isabella un petit peu en lisière. Hein. On sent qu'elle est un peu falote, qu'elle est soumise à son mari. Et on sent que Emma observe ça et qu'elle n'a pas très envie d'être esclave d'un homme. Il y a une revendication quand même un peu féministe dans tout ça, que je trouve assez sympathique. Jane Austen elle-même ne s'est jamais mariée. Dans quelle mesure est-ce qu'Emma lui ressemble? Alors, je pense qu'Emma lui ressemble assez. Je pense qu'elle est un peu une figure de la romancière qui agence des mariages, qui reste à distance. Elle est aussi, dans le plaidoyer pour le célibat qu'on a entendu, on reconnaît des traits de la vie de Jane Austen, qu'elle aussi va s'occuper de ses neveux. On peut se demander si elle n'a pas mis beaucoup d'elle-même dans cette fille très vive, très intelligente, qui se trompe, mais très mobile, d'une extrême mobilité, qui a une énorme qualité d'imagination. Alors, ça nous fait sourire, puisque dès qu'un mariage ne va pas, elle va trouver une autre idée. Mais cet imaginaire, c'est celui de la romancière. Alors, faut-il voir l'ultime mariage comme une défaite ou une victoire ? Ah. Alors, c'est quand même, disons que il y a une espèce de politesse exquise de Jane Austen qui fait que ça se termine bien. Mais la politesse. C'est-à-dire que il y a une légère peut-être correction au réel, qui fait que dans cette espèce de roman à suspense, où au fond tout pourrait arriver, finalement elle choisit des solutions qui arrangent. Mais il y a toutes sortes de petites choses assez grinçantes sous le roman, et je pense que quand on le lit, on sent tout ça, et on sent que ça pourrait tourner beaucoup plus mal que ça ne tourne. Je pense au personnage d'Harriet, cette pauvre jeune protégée qui a été détournée d'un amour tout à fait sincère et partagé, et qui risque de se retrouver victime de cette manipulation, c'est-à-dire à la fin, Robert Martin revient vers elle, mais au fond, elle a rêvé d'Elton. Ensuite, elle va reconnaître la supériorité de Knightley, et alors que Emma pense qu'elle s'était prise de Frank Churchill et va essayer de favoriser la chose, eh bien, c'est de Knightley qu'elle s'était prise, et au fond, elle pourrait se retrouver flouée, hein, et ça pourrait très mal tourner pour elle. Il y a une scène aussi vers la fin du roman où, sous le le côté extrêmement courtois des rapports qui régissent cette petite société, on voit quand même que ça grince un peu. Il y a un pique-nique qui ne se passe pas très très bien, où les Elton s'en vont de leur côté et Augusta, donc la femme ramenée de Bath, qui est un personnage un peu... Elle est assez pleine de ressentiments. On sent qu'elle n'aime pas beaucoup Emma et qu'elle va essayer... Enfin, elle joue les protectrices. Ouais. Avec Jane Fairfax, c'est-à-dire dans cette espèce de duel larvé qu'il y a quand même entre les deux femmes. Elle a choisi son camp, Jane d'un côté, Emma de l'autre. Pendant cette scène, va flirter, mais de manière éhontée, avec Frank Churchill, va lancer une pique grinçante et très ironique et assez méchante vis-à-vis de cette vieille fille, Mademoiselle Bates, qui est un peu sotte, mais qui est très très gentille, etc. Et on sent que les rapports se fissure, on sent que ça pourrait mal tourner. Pourquoi, au fond, ça s'arrête, mais Emma pourrait très bien être plus amoureuse de Frank Churchill qu'elle ne le reconnaît. On aura envie de savoir à quoi ça ressemble un Jane Austen qui tourne très mal. Voilà, et ben, ça donne quoi ? Ça tourne... Ça donne le Charlotte Brontë plus tard ? Alors, Jane Eyre, si vous faites allusion... Oui, vous avez aussi préfacé le texte à Jane Eyre, de Charlotte voilà. Brontë et Jane Eyre. Ça finit par tourner bien quand même, puisque oui. À la fin, lecteur, je l'épousais. Hein. Elle arrive, je dirais pas qu'elle arrive assez fin, parce que c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose, mais on n'est pas du tout dans la même logique. On est dans une logique de la passion. Hein. Et on n'est pas du tout dans cette recherche d'un mariage convenable, convenant, au sens où les deux partenaires ont à peu près le même statut social, sont accordés par un ensemble de goûts communs, etc. Jane est présentée dans tout le texte comme un elfe, un oiseau fragile, presque une enfant face à un Rochester qui est une sorte de barbe bleue. Hein, le mot est dans le texte. Et écoutons la déclaration d'amour passionnelle entre Jane, cette fois-ci Jane Eyre, et Rochester. When you go to Ireland, with all that distance between us, I'm afraid that this cord will be snapped. I shall bleed inwardly. S'il faut que je parte, je ne pourrai plus vivre. J'ai été si heureuse à Thornfield, et j'ai eu le sentiment d'avoir une famille ici. J'en ai aimé tous les instants. Les leçons avec Adèle, ce passé avec vous et nos merveilleuses conversations. Je me sens votre égale, et vous m'avez toujours traitée comme telle. Et pour la première fois de toute mon existence, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé un foyer. Restez alors. Si vous voulez de moi, je vous offre mon cœur et ma main en mariage, ainsi que votre juste part de toutes mes possessions. Voulez-vous m'épouser, Jane ? Moi ? Oui. On en aura entendu hein, des demandes en mariage cette semaine. Alors, Jane Austen et Charlotte Brontë se sont à peine croisées. Quand Jane Austen meurt, Charlotte Brontë a un an. Elle écrira donc plus tard ce fameux Jane Eyre. C'est donc comme une... Enfin, est-ce qu'on peut la considérer comme quelqu'un qui va succéder à Jane Austen, qui lui doit beaucoup et qui s'en écarte? C'est plus passionné, c'est plus dramatique aussi, sans doute plus romantique. Quel est le lien entre les deux, Dominique Barberis? Je ne suis pas sûre qu'elle ait été très sensible à l'art de Jane Austen. En revanche, il est certain que ces deux romancières figurent comme ça dans le panthéon du roman féminin anglais. On n'est pas du tout, effectivement, dans la même logique, même si il y a chez Emma et chez Jane un penchant féministe, en réalité, qui ne s'exprime pas tout à fait de la même manière. Mais même si Jane va succomber à une passion qui va la pousser à faire ce que... Je pense une héroïne de Jane Austen, en tout cas comme Emma, ne ferait pas, c'est-à-dire au fond se déclarer la première. Alors certes, elle est manipulée par Rochester parce qu'il a tout fait pour essayer de la rendre jalouse de Blanche Ingram. Là, il feint d'épouser Blanche Ingram. Il lui dit « je vais vous trouver un poste de gouvernante très loin ». Et à ce moment-là, elle éclate et elle lui dit qu'au fond, elle lui laisse entendre qu'elle l'aime. Donc elle fait le premier pas. mais on n'est pas du tout dans la même logique. Mais chez Jane, malgré ça, il y a une revendication qu'elle exprime d'ailleurs en même temps, curieusement, un petit peu plus tard dans le texte, au moment où elle se déclare, c'est qu'elle lui dit nous sommes égaux, c'est-à-dire je suis certes une gouvernante, vous êtes un gentilhomme, mais j'ai droit comme vous. Il y a une espèce d'équivalence qu'elle pose entre le droit à survivre pour une femme, et elle en souffre beaucoup parce qu'elle est obligée d'être gouvernante, et c'est la seule possibilité pour une femme pauvre et un peu intelligente à son époque, et le droit à la passion. J'ai le droit d'être aimée moi aussi, et lui dit-elle, si j'étais un peu plus jolie, parce qu'elle n'est pas jolie, c'est pas une héroïne conventionnelle, si j'étais un peu plus riche, je vous ferais regretter ce départ, comme je le regrette moi-même. Donc c'est plus subversif? Alors oui, il y a quelque chose d'assez subversif, mais le roman tout entier est assez subversif, parce que autant Emma se passe dans une campagne anglaise, dans une société très très tenue, autant le château de Thornfield est une espèce d'espace à la fois, c'est vrai, situé dans l'Angleterre, mais hors du monde. C'est un château gothique, il y a une chambre secrète où Rochester cache la femme qu'il a épousée secrètement. Il y a une scène de mariage, mais elle est assez sidérante. D'ailleurs, mariage empêché, mais Rochester traîne Jane à l'hôtel. On sent qu'il a peur que quelque chose empêche le mariage, mais dans une espèce de mouvement comme ça. En même temps, chez Jane, on sent bien d'ailleurs la peur d'être esclave, de devenir esclave du sentiment. Rochester est un geôlier, il enferme sa femme. Il y a cette peur d'être enfermé dans le roman, qui va, au fur et à mesure où on s'approche d'ailleurs du mariage, on a l'impression que le paysage se détraque. Il y a une scène où Jane... on ne sait pas très bien si c'est un cauchemar. Elle peut penser que c'est un cauchemar en réalité. Enfin, c'est la réalité. Voit se pencher sur elle le visage déformé de la femme de Rochester, Bertha, couverte de son voile de noces, comme si c'était la projection fantasmatique de ce qu'une fois épousée, elle pourrait devenir. Alors, de quel côté votre cœur balance-t-il? Du côté de l'esthétique, du confort d'Emma, ou de la passion gothique de Jane? C'est très amusant. Alors, vous êtes faite des deux, peut-être? Oui, un petit peu des deux, parce que chacun défend son univers, chacun défend sa vision des choses. Bon, c'est vrai que j'ai un grand faible pour Charlotte Bronté, tout simplement parce que je trouve que Rochester est un des personnages, un des hommes les plus séduisants de la littérature, et je ne trouve pas ça, et pour cause. Celui qui enferme sa femme dans son grenier? Eh oui, je pense qu'il y a cette espèce de lien entre l'amour et le danger. On est aux frontières de la mort. On frôle un danger mortel. D'ailleurs, dans la scène de déclaration entre Jane et Rochester, elle lui dit « Je vous parle comme si nous étions passés par la tombe ». Et c'est vrai qu'il y a quelque chose chez les Brontë qui déchire comme ça le langage, qui va chercher des choses. Mais d'un autre côté, il y a un raffinement, une ironie tellement délicieux chez Jane Austen que mon cœur continue à balancer. Bon, et ben on laissera au lecteur le soin de choisir. On peut lire ces deux textes, Jane Eyre de Charlotte Brontë ainsi que Emma de Jane Austen, en folio classique avec une préface de votre plume, Dominique Barberis. Donc merci beaucoup d'être venu nous parler de votre invitation. De Jane Austen, de Charlotte Brontë et d'Emma ce matin. On se quitte quand même avec Emma, parce que notre cœur cette semaine est du côté de Jane Austen. Emma for Emma, c'est une chanson de Bon Iver. So different song. sur les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le philosophe Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne « Le pourquoi du comment ». Pourquoi dit-on « la santé d'abord » ? Il y a dans notre société un usage du mot « santé » qui peut sembler un peu étonnant, un peu local, un peu particulier et en même temps un peu hyperbolique. C'est la manière dont nous nous souhaitons une bonne santé comme une chose absolument prioritaire dans nos vies. Et c'est vrai que dans des situations de crise, nous disons d'abord « tant qu'on a la santé », nous disons « la santé d'abord », nous disons que cela vient en premier et nos premiers vœux pour un anniversaire ou quand nous nous retrouvons ou en début d'année, c'est « bonne année, bonne santé », c'est la santé d'abord. D'abord, la santé comme bien premier, en quelque sorte, que l'on se souhaite mutuellement. Et il y a là quelque chose de tout à fait étonnant que l'expérience politique de la pandémie a rendu encore différente, car nous avons mis la santé avant tout, cette fois-ci, dans quelque chose qui nous a paru plus polémique, plus critique, comme s'il y avait un choix de mettre la santé d'abord, avant la liberté ou l'égalité. Qu'y a-t-il donc d'abord dans cet usage tout à fait ordinaire, dans nos célébrations intimes, quand nous trinquons par exemple et que nous disons santé les uns aux autres? Qu'y a-t-il dans cette petite expérience? Il y a quelque chose de très simple et en même temps quelque chose de très maximal. Nous voyons bien que le mot santé, qui est difficile à définir, ne désigne pas seulement l'absence de maladie, mais un état global très proche du bonheur et peut-être même plus métaphysiquement dans l'histoire même du mot, de quelque chose d'un bien absolu. Ça n'est pas un hasard, d'ailleurs, si le mot « santé » en français dérive du mot latin « salus », le salut, qui a justement aussi donné le mot « salut » dans la théologie. La santé, le salut, c'est quelque chose de très proche. C'est donc une sorte d'expérience positive globale. Et dans la définition même de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une partie de l'ONU, il y a une définition maximaliste. La santé comme état de bien-être global qui inclut des dispositions physiques, psychiques et sociales. Et finalement, peut-être quand nous disons « bonne santé » à quelqu'un, quand nous trinquons « santé », peut-être que nous ne sommes pas seulement en train de dire d'espérer de ne pas tomber malade. La santé d'abord, au sens où si, effectivement, nous étions ébranlés par une maladie grave, nous ne pourrions rien faire d'autre. La santé comme condition minimale de tout le reste. Mais peut-être que nous trinquons à une sorte de condition heureuse générale. Peut-être que nous savons inconsciemment, implicitement, que souhaiter à quelqu'un la santé, c'est lui souhaiter de ne pas être malade, mais c'est aussi lui souhaiter d'avoir des joies, du bonheur, des amis, de vivre dans une société juste, de pouvoir profiter du monde, de la lumière, de la saison qui passe, qu'elle soit l'hiver ou l'été d'ailleurs, de lui souhaiter un ensemble positif peut-être difficile à définir, peut-être impossible à réduire, mais qui ne se définit pas seulement négativement. Et peut-être que ce vœu de la santé est quelque chose de tellement profond entre nous que nous sommes parfois obligés de le réduire à sa version minimale. Quand une maladie menace, nous mettons la santé d'abord, mais rappelons-nous que même au niveau politique, quand nous mettons la santé en premier lieu, ce n'est pas par une sorte de paranoïa médicale, ce n'est pas par une sorte de tyrannie sanitaire, ce devrait être en tout cas parce que nous cherchons les conditions d'une vie globalement bonne, dans la durée, qui résiste à tous les dangers qui menacent la vie humaine. Et nous savons bien que souhaiter à quelqu'un bonne santé, c'est lui souhaiter de ne pas devenir fou, de ne pas être malheureux, de ne pas connaître un deuil. Nous lui faisons tous ses vœux parce que nous savons que la santé d'abord, ce n'est pas quelque chose de ridicule, c'est au contraire une exigence absolue. Merci beaucoup Frédéric Van, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle avec Jules Barbier, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger à la réalisation, Anthony Thomasson à la prise de son, à la lecture des textes, Camille Lamache. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, ce sera l'occasion de redécouvrir un cours particulier en compagnie de Lila Boidma, réanimatrice à l'hôpital Bichat à Paris. Rendez-vous à demain à 10h. Donc d'ici là, surtout, restez à l'écoute sur France Culture.